Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec moi, mes deux comparses habituels, Rémi et Vincent. Comment allez-vous les mecs? Yo yo tout le monde, moi ça va top. Salut tout le monde, et ben ça va plutôt correctement. T'es remis Vincent, c'est bon par rapport à la semaine dernière? Encore un peu le nez bouché, mais ça va. Tu vois qu'il en peut plus l'eau, il n'arrive pas à respirer avec ses allergies là. Cette semaine, nous allons faire un tour de l'actualité en NBA avant cette dernière semaine de compétition. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe. C'est parti. Rémi, je crois que c'est toi qui t'occupes des tops. Ouais, j'ai relevé quelques petits tops comme tu dis là sur ce dernier temps. J'en ai pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns à noter. Je vais commencer par parler de Memphis. Ils ont perdu la nuit dernière, mais ils étaient sur 7 victoires d'affilée. Avec un Ja Morant depuis qu'il est revenu qui joue plutôt bien. Je trouve ça plutôt cool, ça nous permet d'oublier un petit peu ces conneries. On était pas mal à parier que Memphis allait partir sur le déclin, l'ambiance dans le vestiaire ça allait pas et tout. Bon, au final ça va, enfin ça a l'air d'aller en tout cas. Même en son absence, hein, ça a continué de gagner donc... Ouais, mais depuis qu'il revient, on avait tous un peu des craintes. L'équipe, la cohésion, tout ça. Ça a pas l'air d'avoir changé. De ce qu'on voit, ça a l'air d'être... Ouais, ça a pas l'air d'avoir changé et il a l'air d'être toujours être resté entre guillemets le patron de l'équipe sur le parquet. Oui. Je précise bien sur le parquet parce que j'espère que Steven Adams et le reste du staff ils continuent d'y mettre des claques pour qu'il soit sérieux, tu vois. Mais en tout cas, ça se passe bien, c'est cool. Ils ont perdu cette nuit, du coup, je disais, face à une très grosse performance, j'ai envie de la noticier. Gros big up à toi, mon gabin. Russell Westbrook qui nous fait 36 points, 10 passes, le tout à 100% à 3 points, 5 sur 5. 5 sur 5, magnifique. Eh bien, j'adore voir Russell Westbrook faire des matchs comme ça. Quand il est comme ça, tout le monde aime le joueur. Ah ouais, le truc, c'est que le match d'après, bah, il peut nous sortir une catastrophe. Ben, en fait, moi, le truc qui me dérange même, c'est que Westbrook, il est capable de faire des perfs comme ça, et du coup, il fait gagner les Clippers, c'est cool. Mais c'est un petit peu, on l'avait déjà vu aux Lakers, c'est un petit peu quand il est tout seul sur le terrain en tant que star. Là, Kawhi et Paul George n'étaient pas là. Paul George s'est blessé, et il va se faire examiner du coup dans une à deux semaines, là, on verra ce que ça donne pour les playoffs. Kawhi, bah, load management, pas plus compliqué. Mais du coup, Westbrook, autre chose de mieux à faire. Seul star sur le terrain. Il performe, mais du coup, j'aimerais bien le voir performer aussi un peu pareil avec PG et Kawhi à côté. Ouais, mais tu peux pas mettre 30 points et 10 passes à côté non, de ces mecs-là. Je ne demande pas autant, tu vois. Mais si elle a le même pourcentage au shoot, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Je continue sur mes tops. Sacramento est en playoff, les gars. Ouais. Ouais. Insane. Depuis 2006. Incroyable. Insane. Vraiment. Trop bien. 17 saisons sans playoff, ils reviennent. C'est trop cool. C'est officiel. C'est trop mérité et je pense qu'ils peuvent faire chier beaucoup de monde en post-season. Ouais, en vrai, c'est pas un cadeau de tomber sur Sacramento en premier tour. Alors, c'est pas un cadeau, mais en fait, on sait comment la course est ultra serrée à l'ouest. Et en fait, moi, j'ai peur qu'en fait, quand t'es troisième, tu peux jouer le sixième et que le sixième, ça soit genre GS ou les Lakers. Pour le moment, c'est GS. Pour le moment, c'est GS, ouais, les sixièmes. Tu joues GS, super, t'as été en playoff, et bah tu fais sweeper au premier. Enfin, tu prends une carte toujours au premier tour parce que c'est GS. Et bah, ouais, je suis d'accord avec toi, mais personnellement, je n'attends pas Sacramento en finale de conf, mais j'attends à ce que leur premier tour, même s'ils le perdent, ils aient du répondant, tu vois. Les gars, vous arrivez en playoff, vas-y, vous faites pas sweeper comme des merdes, quoi. Genre, faites pas une Knicks il y a deux ans, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, c'est ça. Après, genre, vas-y, t'es la darling de la saison, c'est pour tout gâcher à la fin, c'est dommage. Après, ça peut leur arriver. Hein. Ouais, puis bah, si tu joues GS, ouais, clairement. Ça peut arriver, mais après, GS, c'est pas non plus. Enfin, on sait qu'en en série en 7, ils sont compliqués à jouer, mais sur cette saison, ils montrent pas une sérénité folle, donc ça se trouve, Sacramento peut quand même alors, taper. Alors, je rappelle l'année dernière ce qu'on disait, et au final, c'est qui est champion, c'est GS. Bonjour. Mais c'est une équipe de play-off, GS. Et autant ils ont fait une saison qui est pas belle, autant en play-off, comme il dit Vincent, ils peuvent sweeper en fait quasiment toutes les équipes à l'ouest, ça se trouve en fait. Bon, sweeper, j'exagère, mais... Ouais, non, mais oui, on comprend. D'ailleurs, à noter, côté Sacramento, on a notre rookie Keegan Murray qui a battu le record du nombre de 3 points au prolifique sur une saison. Il est à 188 3 points, record détenu auparavant par Donovan Mitchell. Sa saison rookie du côté du Jazz, mais il en a mis 187 dans la saison. Voilà. C'est propre, ouais. Il bat le record de 3 points pour un rookie. Ouais. C'est ça. Ok, cool. Bon, en vrai, rookie est loin d'être dégueu, hein. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais après, j'ai peur On le savait depuis le début de saison, depuis la après, de façon, merde de la Summer League. On sait très bien que ces records-là, ils vont être de plus en plus battus parce qu'au final, il y a de plus en plus de tirs à 3 points. Donc forcément, tu vois. Oui, non, ça, bien sûr. Mais tu vois, c'est pour notifier qu'ils ont un joueur sérieux en tant que rookie à Sacramento. Enfin, sérieux. Il dégaine beaucoup à 3 points, mais en plus de ça, il n'est pas déconnant. Quoi. Genre, tu bats pas un record quand t'es une chèvre, en général. Ah, il est responsabilisé, il a des minutes, il défend correctement. Non, non, c'est top. Ouais, ouais. Et à noter aussi le retour de Kevin Durant, qui a joué la nuit dernière. Ouais. Et du coup, c'est le 4e match que Devin Booker a fait aux côtés de Kevin Durant. Est-ce que vous connaissez à peu près ces stats de Devin Booker quand Kevin Durant est sur le terrain? Absolument pas. Tu vas nous les dire. Allez, 30 points de moyenne. Exactement, 30 points de moyenne. Ah, il a fait, j'ai plus les chiffres, mais il a fait, là, le dernier match, il a fait 29, mais avant, il avait fait 36, 34, 35, je crois, un truc du genre. C'est pas et en fait, Devin Booker, il a dit, en fait, quoi, Kevin Durant, c'est tellement plus simple, parce que, bah, il y a de l'espace de partout. Bah, tu m'étonnes. Ah bon? Oh, la surprise. Par contre, Kevin Durant ne s'est pas blessé à l'échauffement, donc on l'applaudit. Ouais, c'est vrai aussi. C'était pas contre Memphis, il y avait personne pour tenir le fou. Non, on a dit qu'il avait arrêté ses conneries, c'est bon. Et c'est tout pour moi, du coup, pour les tops. Ok, et bah, je pars sur les flops, du coup. On a 4 équipes qui sont déjà hors des playoffs numériquement. On a les Rockets et les Spurs à l'ouest. On a aussi Détroit et Charlotte à l'est. On peut ajouter aussi Portland qui a mis au repos Damien Lillard qui, même si numériquement c'est encore possible, ont abandonné la course et veulent tanker pour choper la meilleure place possible à la draft. Numériquement c'est possible, loterie. Mais on sait très bien que c'est pas le cas. Quoi. Ouais, c'est ça. Et aussi, on peut ajouter aussi le Magic et Portland, le Magic et Indiana, pardon, qui sont tout juste. Ouais. On peut dire un peu en retard par rapport aux autres équipes. Donc ça peut être compliqué pour eux en termes de... En gros, il faudrait qu'ils gagnent tout et que tout le monde perd au-dessus. Ça me paraît compliqué. Donc même si numériquement, c'est encore faisable, je pense que ça va être compliqué pour ces deux équipes. Voilà. C'est dommage, j'aurais bien aimé Indiana au play-in. Ouais, je sais pas. J'aurais bien aimé. Mais bon, je préfère que ce soit Chicago, hein, attention. Ouais, bah oui, parce qu'il y a Washington qui est juste derrière. Donc c'est à mon avis, ça va se jouer entre Chicago ou Washington. Toronto, pareil, a un peu d'avance sur Chicago. Donc, pour l'instant, Chicago est bien placé. On du coup, je rappelle Chicago que je voyais 4e à l'Est. Ça, non, on le fera pronom en carton. On refera une émission débrief de nos previews. Il y a moyen qu'on rigole bien. Ouais, ça va être marrant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Dallas qui est dans la sauce parce que Dallas, sur les 10 derniers matchs, ça fait 3 wins pour 7 défaites. Ça va pas comment? Ça va pas du tout côté Dallas. Ah non, ça va pas du tout. Le souci, c'est que bah, dans la nuit dernière, ils ont joué les Sixers, ils ont perdu, alors que tous leurs concurrents, les Lakers, le Thunder, le Jazz, ont gagné. Donc bah, tu reprends une défaite d'écart par rapport à ces équipes-là, donc t'es 11e de la conf. Après, on peut pas leur en vouloir de perdre contre Philly, tu vois. Non, mais non. Bon, il y avait des défaites évitables sur les matchs précédents. Ah ouais, ça, ouais, complètement. Donc, bon, Charlotte, par exemple. Par exemple. Deux par fois, exemple. En plus, je crois. Ouais. Donc c'est compliqué pour Dallas qui, bah, malgré Kyrie et Doncic, n'arrive pas à gagner des matchs. Et cette fin de saison, ça va être chaud. C'est même pire que ça, là. Doncic qui dit comme quoi il a plus envie de sourire, qu'il prend plus autant de plaisir à jouer au basket. Bah, c'est pour moi, enfin, perso, moi je l'avais déjà dit, mais pour moi, l'équipe de. Collectivement, Dallas, avant le trade de Kyrie, c'était certainement beaucoup plus équilibré. Bah, juste bah, Dorian Finney-Smith qui s'occupe du meilleur joueur adverse. Du sale boulot. Ça te donne un peu d'air, tu vois. Donc, ouais. Bon, là, ça prend l'eau de partout. Alors, certes, c'est Lucas a le génie pour nous sortir des passes magnifiques, mais comme celle qui met en ligne de fond, là, à 3 points quasiment. Mais ça suffit pas pour gagner des matchs. Et là, en cette fin de saison, tout le monde a faim et Dallas n'arrive pas à prendre ses wins. Donc c'est compliqué. Sur cette fin de saison, ils ont quand même des matchs assez faciles, entre guillemets, à prendre. Ils vont avoir du Chicago, du San Antonio. Ils jouent quand même Sacramento, qui est déjà en playoff. Je pense que Sacramento, il y a moyen que ça fasse tourner un peu l'effectif. Atlanta, Miami. Non, je suis pas sûr de ça. Sacramento, ils ont que des jeunes et tout. Ils visent les playoffs, mais vas-y. Oui, mais leur troisième place, elle est assurée. Hein. Ils ont 5 matchs d'avance quasiment. Ils vont pouvoir les reposer un peu. Je pense que ça peut être. En tout cas, pour Dallas, ça peut être des matchs à prendre, tu vois. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Après, c'est aussi un coup à préparer leurs joueurs contre une équipe comme Dallas, tu vois. Tu disais, Vincent. Après, Dallas, ils n'ont pas le choix de prendre des matchs là parce que eux, ils sont vraiment dans la panade en fait. Et ah, bah, de toute façon, ils ont plus le choix. Déjà, au final, en fait, ça va être une saison ratée pour Dallas parce que clairement, là. Ils ont déjà raté la saison. Espérer le play-in pour Dallas, c'est de la grosse merde en fait parce que quand tu vois Dallas, normalement, tu te dis top 4. Ouais, ou c'est marrant border, parce que tu vois, mais genre play-off obligatoire, quoi. Ouais, c'est voilà, marrant. C'est ça, genre sans passer par le play-in, tu vois. C'est marrant parce que ce top 4, il l'était avant le trade. Inspecteur Gus va nous faire une enquête là-dessus. Depuis, la Terre est plate. C'est ça, depuis la Terre est plate. Et bah, du coup, ça tourne pas à très rond du côté de Dallas. On suit nos actus des flops avec les Sixers qui ont enchaîné 3 défaites de suite sur les 4 derniers matchs, malgré la victoire cette nuit. Mais on a lâché quelques longueurs sur les Celtics, on a perdu à Golden State, à Denver, contre Phoenix. Bon. C'est un Embiid, il n'a pas joué à Denver, je suis dégoûté. Justement, parce que ces défaites aussi sont expliquées, parce que Embiid il s'est blessé au mollet face à Chicago dans le premier match avant le back-to-back, je crois. Ils ont fait un back-to-back 2 fois Chicago. Mm. Et donc c'était le 20 mars. Harden, il a une petite douleur au tendon d'Achille. Donc bon, Doc Rivers a mis Léo là et a reposé les deux, le meilleur passeur et le meilleur scoreur de la ligue. Pour essayer qu'ils arrivent en forme en play-off. Donc je pense que là, l'objectif des Sixers, c'est même plus d'aller chercher les Celtics, c'est d'essayer de conforter cette troisième place. D'ailleurs, en leur absence, le banc et les joueurs du 5 comme Harris, comme Maxi, ont répondu présent. On a fait un match sérieux à Golden State malgré tout. On n'a rien lâché malgré les quarts de points et on a su revenir dans un match serré. Bon, on le perd, mais au moins, on a montré du caractère. Donc ça, c'est pas mal. Et puis voilà, il faut juste qu'on arrive en play-off avec... des joueurs en pleine santé ou au moins à 95%, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des petits pépins, mais voilà. Donc, c'est les Sixers qui ont enchaîné quelques défaites. Voilà, ça arrive. En bref, on a aussi Brooklyn qui est un peu en baisse de forme avec un calendrier chargé. Ils sont sur 4 victoires, 6 défaites sur les 10 derniers matchs. Ils ont eu des confrontations difficiles. Denver, 2 fois les Cavs, Sacramento, Milwaukee. Et en plus de ça, tu gagnes même pas les matchs faciles, genre Orlando, tout ça. Donc les Nets, pardon, c'est en train de descendre un peu au classement. Et pareil, Miami aussi, qui est un peu dans le dur avec 3 défaites de suite. Même s'ils finissent avec un calendrier facile. Donc je pense que là-dessus, Miami, qui je le rappelle, est 7e et qui est à 2 matchs de Brooklyn de la 6e place hors play-in. Et je pense que Miami peut aller le chercher. Ils jouent Dallas, 2 fois Détroit, Washington et Orlando pour finir la saison. Donc il y a moyen que Miami prenne, je pense, au moins 4 matchs là-dessus, s'ils sont sérieux, et comme ça, ils se sauveraient du play-in. Ce ne serait pas déconnant. Ouais. Après, même si à Miami, ça a été assez en dents de scie, ils peuvent finir la saison fort pour sauver et être en play-off direct. Tu vois, j'ai plus d'espoir en Miami pour les play-offs qu'en Brooklyn. Donc, mais Brooklyn, en soi, malgré tout, il démérite pas. L'équipe sans KD, sans Kyrie, ça joue quand même. Donc c'est, voilà, c'est l'effectif qui reste un peu inexpérimenté aussi. Hein. Quand tu vois que Cam Johnson est le 3e meilleur joueur de l'équipe, forcément c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour ces flops. Vincent, ouais, moi, c'est à toi juste... Attends, je rajoute juste un flop. Vas-y. Fait que Julius Randle soit blessé cette nuit. Et que du coup, New York, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux à l'approche des playoffs. C'est une blessure grave ? Alors, il s'est fait la cheville, je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais s'il doit manquer les 6-7 derniers matchs de la saison, là, les 5 derniers matchs de la saison, après, ils ont 3 matchs d'avance, donc voilà, mais il y a Brooklyn et Miami qui poussent derrière, donc ça peut peut-être être dérangeant et il ne faudrait pas qu'ils perdent de place à cause de ça. Quoi. C'est quoi, ils risquent de perdre une place ou deux à cause de ça, c'est pas improbable. Mais après, le truc, c'est qu'il faut surtout qu'ils soient là pour les playoffs. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu joues à Cleveland, pour la fin de saison New York, c'est à Cleveland. Pas cadeau. C'est contre Washington, ensuite à Indiana. Ok. Tu vas à New Orleans, compliqué. Et tu joues Indiana chez toi pour finir. Ouais, donc au final ça va. La fin de calendrier est plutôt correcte, mais. Faut quand même les gagner hein, parce que c'est des équipes qui ont des enjeux aussi, donc ça va être des matchs disputés. Ouais, peut-être qu'Indiana avant ce moment-là sera déjà hors de play-in et du coup peut-être que ce sera plus facile. Mais c'est à Obi Toppin de nous montrer ce qu'il peut faire quand on lui laisse la place. Ouais. On va dire ça. Bah non, mais en vrai, c'est sûr, il a des choses à prouver. Moi, j'ai Randle n'est pas là. Vas-y, en attaque, montre-nous ce que tu peux faire, tu vois, parce qu'il est loin d'être déconnant non plus comme joueur. Donc ouais, c'est sûr. On sait qu'en sortie de banc, il est important aussi dans la rotation. Non, mais il est super important même. Donc, ouais, parce qu'il peut mettre quelques 3. Bien sûr. Il est intéressant. Energizer, on connaît. Il peut mettre des Riders. Ah, oui, ça marche. Ça d'ailleurs, il aime bien ça, faire ça. Et Vincent, c'est à toi. Tu avais une question à poser, je crois. Alors moi, je pose une question derrière. On fera un petit jeu là, parce que je vous ferai un petit qui suis-je là, mais on fera ça après. Allez. Moi, la question que j'ai, c'est une petite question cocorico. Qu'est-ce qu'on fait des 20 fournir et de billets? Concrètement. Je Ah, pose. Voilà. Voilà, c'est un sujet qui fâche. Hein. Mais moi, je vous laisse répondre parce que moi, quand je parle de ça m'énerve. Donc Bon, déjà, en on vous fait, laisse. là, cet été, il va falloir qu'il parte de New York, tout simplement. Moi, déjà, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas bougé pendant la trade deadline. Et juste, en fait, faut qu'il parte de New York et qu'il trouve que New York le laisse partir et qu'il trouve un endroit où, même s'il est sixième homme, genre, c'est pas déconnant, Evan Fournier sixième homme, bah, qu'il puisse être Bah... dans une équipe Ouais, où mais il là, il peut. est en manque de rythme. Ah bah Il y a oui, non, mais ça il est en manque aussi. de rythme. Mais bon, après, tu le mets dans une équipe, vas-y, il peut le retrouver le rythme. En vrai, ça, c'est pas. Ça, je m'en fais pas pour lui là-dessus. Je pense qu'il est sérieux et tout. Mais tu le mets dans une équipe semi-compétitive, tu vois. Enfin, ça m'étonne. Enfin, là, les équipes qu'on voit favorites pour le titre, ça m'étonnerait qu'elles aient la place pour Evan Fournier. Mais les équipes semi-compétitives qui peuvent récupérer un mec un peu vétéran qui sait shooter, qui peut apporter un truc et qui peut former tes jeunes. Mais je Et il peut comprends. avoir un rôle loin d'être déconnant. Mais c'est sûr que je pense que là, au final, là, c'est un rôle qui lui irait, le rôle de sixième homme, tu vois, Ah bah oui. comme on a eu des Jamal Crawford, des Jordan Clarkson, des mecs qui sortent du banc pour scorer et pour apporter vraiment un truc dans la seconde unit, tu vois. Limite, lui laisser les clés de la seconde unit en attaque, tu vois. Alors moi je serais d'accord avec ça. Le souci c'est que même quand il jouait encore à New York, c'était déjà plus le cas, il était juste un shooter. Alors certes, Ouais. en fait là ça fait quasiment 3 ans que le gars il est plus playmaker en NBA, tu vois, ou créateur. Ouais. Et du coup Après, c'est ouais, mais compliqué aux franchises après. de laisser cette opportunité à Evan de briller alors que en fait bah, ça fait 3 saisons qu'il est plus dans ce rôle-là, tu vois. Il y a ça Ouais, aussi. après, on sait aussi qu'il est capable de le faire parce qu'il a su le faire quand il était à Orlando. Il a Il le su fait en EDF. il Oui, fait non, en mais équipe ça, de c'est sûr. France. Même quand il était à Boston, il faisait un peu. Alors moins parce que du coup, l'effectif était quand même Plus complet. plus étoffé. Bah, Et au c'est. final, on sait très bien que c'est un joueur capable de faire ça, et c'est un mec qui est ultra pro. Donc même là, tu vois, il joue pas à New York, mais le mec, il est là, et si on lui dit, bah, là, sur le prochain match, on lui dit, bah vas-y, faut que t'envoies 20 minutes, et bah il enverra 20 minutes, et ça se trouve, ça sera des bonnes minutes, en fait. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est Donc, certain. moi, ça me fait vraiment chier. Après, je pense que oui, là, au vu de ce qui se passe à New York, il faut qu'il parte parce que je pense que Thibodeau, il lui fait plus confiance et il l'a plus dans ses plans de jeu. Donc il faudrait qu'il parte. Mais Moi, je après, vais où est-ce qu'il te faut qu'il dire, parte? mec. Parce que moi, j'ai des petits contacts avec Mark Eversley, le général manager de Chicago. À Chicago, on va y faire une offre, on va le récupérer. Parce que des shooters à Chicago, on prend. Qu'est-ce que tu lâches? Parce qu'il y a 19 millions de contrats. Et l'alchimie avec Avec Vucevic, Vucevic, c'est pas on dégueu. la connaît, tu vois. Qu'est-ce que je lâche? Je sais pas encore. En vrai, Mais tu Evan vois. Maillot des Bulls, je kifferais. Et lui, je pense qu'il kifferait aussi, d'ailleurs. Ça peut ne pas être dégueu. Après, tu Et vois, on sait qu'est-ce qu'il que est je plus. lâche? Je réponds à Gus juste avant, désolé Vince. Vas-y, vas-y. Ça m'étonnerait pas que cet été le duo Lavine-DeRozan il éclate, parce que autant l'an dernier on a kiffé, cette année en fait on voit que le projet il fonctionne pas de ouf. Est-ce que c'est Lavine qui dégage parce qu'en fait il a plus envie de rester à Chicago, il veut bouger et Chicago a envie de fonder un autre projet? Fort probable. Est-ce que c'est DeRozan? Est-ce que c'est les deux? Je sais pas. En vrai, t'en gardes un. Moi, je pense que tu gardes. Je sais pas si. Parce que Lavine a Pas. montré a montré qu'il voulait plus rester ou c'est Non, quoi qu'il du pense? tout. Non, Parce non, que du pour tout. moi, Pour moi, il Lavine a est rien montré de tout ça. encore plus. Tu préfères construire autour de Lavine que de DeRozan, tu vois. Ouais, mais tu vois, DeRozan, il est vieux maintenant. peut-être que le staff de Chicago, ils disent en fait, avec Lavine, on n'y arrive pas, quoi. Genre, pour moi, Lavine, j'aime bien. Et DeRozan aussi, d'ailleurs. Mais c'est pas des franchise players. Genre, c'est pas des mecs qui vont mener ton équipe loin. Genre, les deux, c'est des lieutenants ou la troisième pièce. Donc, en fait, peut-être qu'il est temps de réorganiser tout ça et de trouver un mec, un jeune, ou je sais pas, qui peut t'emmener. Bah, c'est pas à New York qu'ils trouveront ça, du coup. Ah non, mais je dis Evan Fournier parce qu'en vrai ça peut être sympa de refaire le Ah truc oui, avec d'accord. Vucevic. Yes. J'ai juste ça, mais c'est pas ton franchise player d'Evan Fournier. Hein. Non, non, bah non, bien sûr. Puis t'iras pas chercher Randle ou Brunson, hein, je pense qu'ils sont installés là. Par contre, tu parles de Lavine aux côtés de Brunson et Randle, il y a moyen que ça intéresse. Oh, les riders entre Obi-Toppin et Lavine là, les concours de dunk à New York. Ah, les entraînements, c'est les concours de deck avec. Et Ah Quentin ouais, de Grimes, ouf. non, et Jericho Sims aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ah, ça peut être très très drôle ça. Ah bah, c'est pas dégueu. Ah bah, là, ça grimpe aux Ah arbres. bah, pour une fois, je regarderai les matchs de New York, tiens. Ah, Je fais bâtard. juste un, on fait, je fais juste un petit point salaire sur Evan avant qu'on passe au qui suis-je. Evan, saison prochaine, c'est 18,8 millions et la saison suivante, elle sera 19 millions en team option. Donc là-dessus, bah, ça se trouve, il se Donc t'as plus retrouvera qu'un agent an libre à... Ouais. de contrat garanti, te reste un an. Ouais, t'as plus qu'un an à t'en occuper, quoi. En vrai, c'est pas déconnant, hein. Après, on sait aussi que Evan, là, il jouait pas cette année, il joue pas cette année, et à la trade deadline, quand il a su qu'il n'était pas trade, il a quand même dit qu'en fait, il était bien à New York et tout, tu vois. Ouais. Non, mais il a Après, toujours parce dit qu'il qu'il y a aimait le New York. cadre vide, mais je pense que pour lui, là, il doit se ronger les ongles, parce qu'en fait, ça doit lui casser les couilles de pas Non, jouer. mais il aime la ville, mais la franchise veut plus de lui, ça il l'a compris. Ah, peut-être qu'il va Ouais. demander à Mais il partir à adore la Brooklyn. ville. Quand il dit j'aime New York, c'est là, il parle de la ville. Ouais. En fait, pour lui, la meilleure solution, là, ça serait d'aller à Brooklyn et d'avoir des minutes, en fait. Ah, puis en plus à Brooklyn, ce Presque, serait ouais. pas déconnant, tu vois, tu le laisses gérer la Non. seconde unit, il forme un peu les Il y a jeunes en tant que jeune, ouais, vétéran. de ouf, ouais. C'est pas C'est déconnant, vrai. hein. Il s'y retrouverait, je pense. Dans un Bah après, projet de peut-être il est reconstruction, c'est peut-être pas un mal. peu cher pour leur projet, c'est possible. Je sais pas, qu'est-ce que ça donne? Attends, je peux aller Après, voir tu vite sais fait ce qu'il peut Brooklyn. t'amener, en fait. Enfin, moi, ça me choquerait pas non Non plus. mais dans leur projet à Brooklyn, tu vois, genre par exemple, Mikal Bridges, il va falloir foutre la rallonge. Oui, c'est clair. Cam Thomas, je sais pas encore ce qu'ils veulent en faire, mais c'est pas impossible qu'ils le prolongent. Leur jeune aussi, putain, ouais, Claxton. Claxton, lui, ils vont Oh, le oh garder les gars. aussi. Oh les gars. Oh non, je suis sur les contrats des Nets. Pouah. Il n'y en Je a viens de me aucun qui rappeler. dépasse les 8 millions. Si, si, si, si, je viens de me rappeler que Ben Simmons touche encore 37 millions Ah l'année oui, prochaine. j'avais oublié Ben Simmons. Et attends, En 2024-2025, c'est 40 millions. Et c'est pas. C'est en garantie. Hein. Ouais, bah oublie du coup pour Mouillez-vous Evan la nuque, hein. Mouillez-vous la nuque. Fournier. Ou alors Brooklyn qui récupère Evan Fournier et à New York tu récupères L'année prochaine, ils ont. Ah, ils ont un peu de marge. Hein. Ils peuvent le tanker en lâchant genre un. Ils peuvent tanker en lâchant un Patty Mills et faire venir. Hein. Il y a moyen. Ouais, c'est pas déconnant. Bah après, tu préfères Patty Mills ou Evan Fournier? Je sais pas. Patty Mills, il est retraité peut-être cet été? C'est possible. Bon, il commence à être vieux notre patou. Possible, possible. Vas-y, on voit qui suis-je, Vince. Allez, c'est C'est bon, parti. vous êtes chaud? Ouais. Du coup, j'en ai prévu trois. Je pense que. Enfin, j'en ai prévu trois. Je pense qu'il y en a un qu'on fera peut-être pas. En fait, ça dépendra de vous si vous arrivez à vous départager ou pas. S'il y en a un qui est à 2-0, Allez. on peut C'est stopper terminé, là. quoi. Ouais, Close out. on va faire ça. Premier à 2 points, il y en a trois prévus. Donc, on Ils va sont ça. chauds, chauds, chauds ou ça va? Non, franchement. Je pense que ça va. Après, en fait, je sais pas, parce que quand tu les écris, tu sais très bien qu'en fait, c'est plus facile parce que tu sais en Bien gros. sûr. Donc, bon. Je fais le premier. Je suis né dans le Maryland en juin 99. Ok, donc c'est un mec jeune. Ouais. J'ai joué aux Wildcats de Kentucky en université. Donc, Kentucky, on sait très bien que il y a eu du monde qui est passé par là. J'ai été drafté en 25e position de la draft 2020 par le Thunder, puis échangé dans la foulée. Donc, j'ai jamais joué sous le maillot du Thunder. Je viens d'établir récemment mon career high au scoring avec une montée de température à 40. Mikal Bridges. J'ai Emmanuel Quickly. Bien joué, Gus. Emmanuel Yes! Quickly. Ok. La suite, c'était je suis candidat au titre de sixième homme de l'année. Je porte le numéro 5 comme la place qu'occupe mon équipe dans la conférence Est actuellement. Bah, Est-ce que tes trois qui suivent, c'est de l'effectif de New York? non, mais ça va. Non. Le thème, Je voulais, c'est mais un j'ai qui pas. suis-je à thème? Qui suis-je à thème? Je porte le numéro 33, j'avais une coupe afro, et je m'appelle Patrick. J'ai un copain qui s'appelle Bob l'éponge. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est bon, donc 1 point pour Gus. Ah, Rémi, là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix de win Ok. celui-là. Alors, je suis né en Californie en juin 1971. J'ai pas fait exprès, les deux sont nés en juin. Hein, je n'y peux rien. Malgré une bonne saison universitaire, je suis non drafté en NBA. Starks. Non. Je débute ma carrière professionnelle en France en Pro B. Bruce Bowen. Oh, il est fort. Il est très fort. Il est Wow. très fort, le mec. Ok, Wow. bah, et bah 2 points pour Gus. Ah, Bon franchement. bah, je me suis fait sweeper. Franchement, Voilà. chapeau, parce que là, c'était quand même que la troisième. Tu Je l'as dis la trouvé ville. super tôt celui-là. Bah, Ouais, de il n'y ouf. en a Bah, pas en fait. beaucoup qui ont été joués en France sans être Ouais, c'est draftés. ça. Ouais, c'est vrai. Et puis dans les époques, Et donc puis, bah, après, Spurs, c'était. fan des Spurs, t'as l'histoire de Bowen, tu vois. Et du coup, donc les Spurs, c'était après, c'était je reste tout de même désireux de faire une place en NBA, donc je retourne aux États-Unis en CBA. Affaire non concluante, je retourne en France en Pro A. Et après 20 matchs, je suis meilleur marqueur de la ligue. Donc je me fais offrir un contrat de 10 jours par le 8. Je passe par Boston, les Sixers et le Heat. Avant de poser mes valises à San Antonio, je suis trois fois champion NBA. Mon numéro 12 a été retiré par les Spurs. Voilà, là, vous Incroyable. auriez trouvé quand même. Je Il y pense. a même Est-ce que tu es la sur vie. Wikipédia aujourd'hui, toi? Exactement. Est-ce que je vous fais le dernier quand même? Vas-y, bien sûr, Vas-y, pour le vas-y, vas-y. plaisir. Allez, je fais le dernier quand même. Je fais quand même. Si je fais un Histoire, 3-0, tu baisses ton froc, Rémi. pour l'honneur de Rémi, essaye de prendre le dernier, s'il te plaît. Alors, je suis également né du côté de la Californie, mais en novembre 1988. Ok. Je fais mes gammes à l'université d'UCLA. Je mesure 1,91 m pour environ 90 kilos. Chris Paul? Non, il était pas Non. UCLA. J'ai déjà été MVP, j'ai déjà été meilleur scoreur sur une saison, Stephen Curry? et j'ai déjà été meilleur passeur sur 3 saisons. Il était pas UCLA. Meilleur passeur sur 3 saisons. J'ai joué pour 4 franchises différentes. J'ai. James Harden? J'ai levé la main avant, c'est Westbrook. Et c'est Russell Westbrook. Et le gus est vraiment Ah trop fort. putain! Oh, Et let's le gus est go! vraiment trop fort. Alors, GG, en fait, GG. j'ai. Donc, après la suite, je voulais vous embrouiller. Je voulais un peu vous embrouiller parce que j'avais mis. J'ai déjà joué pour les Lakers. C'est pas là où il a passé le plus de temps. Bah, ça aurait pu nous guider vers d'autres. Ouais. Bien J'ai joué. porté le numéro 4. Ça aurait pu aussi vous guider vers d'autres trucs parce qu'à Washington, il avait le 4. J'ai déjà joué une finale Il avait les NBA. quatre à Washington, j'avais Ouais. zappé. J'ai déjà joué une finale NBA. J'ai égalé un record d'Oscar Robertson, puis il l'a dépassé. Voilà. Donc, 3-0 pour Gus. Ah bah Rémi, il va falloir que tu t'entraînes hein, pour la Je prochaine pense que fois. pour la Ouais. prochaine, faut que tu revoies tes classiques, mon cher C'est Rémi. vrai, c'est vrai, c'est Parce vrai. que la première fois qu'on avait fait un qui suis, j'avais été trop dur. Ah bah, J'avais comment il été. s'appelait le shooter à 3 points qui a gagné le concours? Oh, Capono, putain. J'avais Oh là été là, on champion du monde. Ah ouais, c'était horrible ça. C'est pour ça que là, j'ai dit, bon, on va y aller sur du plus connu quand même. On l'avait trouvé, Capono? Non, on l'avait pas trouvé. Non, Ah, mais... alors j'avais Jason Capono et c'était qui que j'avais fait l'autre? Je sais plus ce que j'avais fait, Je mais j'en avais sais fait deux qui étaient plus. trop durs. Et du coup, vous n'aviez pas trouvé. T'avais fait un concours à 3 points, t'avais fait un gagnant de concours de dunk, mais un éclaté, genre. Mais je me rappelais plus qui c'était. Il me semble que c'était ça. Ah Enfin, oui, c'est bref. possible. Enfin bref, 3-0 pour Gus. Victoire sans Bien appel. joué. Je m'incline. La suite au Le sweep de prochain épisode. Hugo. C'est ainsi que se termine cette... Ah non, bah attends. Je lance ça, mais on a Non, non, peut-être la moment perf de la préféré de la semaine semaine. avant. Bah Bah bien ouais, parce que moi sûr. j'en ai une que je veux noter. Ah, allez Rémi, bah vas-y, lance-toi. Brûle l'idée, les gars. Bien sûr. 52, 8 rebonds, 8 passes, en fait. Je l'ai pas dit dans les tops pour tous les fans des Bucks qui gueulaient. Là, je voulais le garder pour la fin parce qu'en fait, est-ce que les Bucks, c'est pas l'équipe qui est la plus prête pour les playoffs, quoi? Bah si. On s'en Oh, approche je après, pense que oui. après on le sait. On le sait On en fait parlait que de les Jrue Bucks. Holiday la semaine dernière parmi les meilleurs meneurs des dernières années. Défensivement, offensivement, là, la perf qu'il fait. 52 points, 8 rebonds, 8 passes. À côté, il y a Giannis qui a plus de 30 points. Trop fort les Bucks. Trop fort Jrue Bah Holiday. ouais. Bah moi, petite dédicace à Rémi, vu que je t'ai mis 3-0, je te rappelle un mauvais souvenir. Batum face aux Bulls. Ouais. 24 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 8 sur 10 au tir, 8 sur 10 à 3 points. Il avait la main en feu, le bâtard. Il était Putain. chaud. Bien joué, Nico. Ça va que t'es Et français, sinon. match dans le 5 pour notre cher Batum. Et surtout, du coup, il a remplacé Maurice sur cette fin de saison. Et Tyronn Lue a dit en interview qu'en gros, il était là pour tester. Parce qu'à mon avis, il a d'autres projets pour les playoffs, pour quelques ajustements, etc. Et du coup, C'est pas bah, peut-être que déconnant. Batum serait titulaire en playoff, ou en tout cas sur certaines match-up. Donc ça, c'est trop cool. Batum titulaire au poste 4, ça rigole pas, hein. Il fait Bah tout en ouais. fait, donc c'est trop bien. Bah, en vrai, tu vois, l'éclipse, t'as Marcus Maurice Batum sur ce Mais... poste-là, en titulaire, c'est régalade, parce que les mecs, ils demandent jamais la balle. Quand ils l'ont, en général, ils en font quelque chose de propre. Soit ils font la décale, soit ils peuvent marquer. Et les deux peuvent planter 20 points, en fait. Les Clippers sur Donc. le papier, c'est insane, hein, Ah, vraiment. mais ça c'est ils ont doublé, triplé les postes presque. Sur le papier, c'est incroyable. Ouais. On est d'accord. Et toi, Vince, ta perf? Moi j'avais la perf de Batum aussi, Ok, clairement, parce pardon. que voilà. Et bien après, ouais, moi pour New York, et en plus, on en a parlé tout à l'heure, les 40 d'Emmanuel Quickly là qui en ce moment est vraiment chaud. Non, vraiment, en vrai, en ce moment, il y a eu l'absence de Jalen Brunson qui l'a fait passer dans le 5. Et enfin, franchement, il a pris une autre dimension là, depuis 2 3 semaines là. Et donc là, Brunson est revenu, mais en sortie de banc, il avait toujours des bonnes choses. Donc en vrai, je pense que ça serait pas un scandale s'il finit 6e homme de l'année. Bah si en vrai je pense que si New York reste cinquième et que Pas il maintient ce déconnant. Hein. niveau-là, moi je vois pas pourquoi ce serait un scandale. Hein. Non, ce serait pas Après scandaleux du coup. t'as quand même du Brogdon, tout ça, Ouais, Brogdon, mais ça j'aimerais bien aussi, tu vois. ouais. Après ouais, c'est vrai qu'il y a Brogdon, t'as qui d'autre encore sur le banc Bah, c'est qui surtout prend. Brogdon en fait qui. Ouais, en concurrence, c'est ça, hein. Ouais. Bon. On espère ça pour ça fera un trophée cette année Un trophée pour pour les Knicks. l'Enix. Mais Ouais! let's go! Allez, c'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Évidemment, on est sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao! Salut tout le monde!